الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Donc on continue l'explication et la traduction du livre Lum'atul I'tiqad al-Hadi ila Sabil al-Rashad, un livre de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah, et une explication de Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, qu'Allah Azza wa Jalla le préserve. Durant le dernier cours, on avait parlé du chapitre de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de ses compagnons, et que la communauté musulmane était la meilleure des communautés et que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient les meilleurs des compagnons, et que le meilleur de cette communauté après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien sûr Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Et on avait cité entre autres le mérite des compagnons, et que les compagnons étaient la meilleure de cette communauté, et que le mérite également était différent entre les compagnons eux-mêmes, qu'il y avait les 10 promis au paradis, qu'il y avait aussi Al-Muhajiroun à Al-Ansar, et que Al-Muhajiroun, ceux qui ont immigré de la Mecque, étaient meilleurs que Al-Ansar, ceux qui ont promis, ou les habitants de Médine, qui ont promis de soutenir et d'être aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. مقال الشيخ الفوزان ثم أصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان هؤلاء لهم مزية على غيرهم من بقية الصحابة. Donc on avait vu que les muhajirun étaient meilleurs que l'ansar, et ensuite viennent dans le mérite ceux qui ont assisté à la bataille de Badr, et également ceux qui ont fait le pacte de Ridwan au prophète alayhi salatu wassalam. On avait expliqué ce qu'était Bay'atul Ridwan, à savoir lorsque le prophète sallallahu alayhi wasallam a demandé à ses compagnons de lui faire le pacte d'allégeance lorsqu'il s'est fait refuser la Umrah aux portes de la Mecque, et lorsque la rumeur que Uthman radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wasallam avait envoyé pour transmettre le message à Quraysh, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas venu pour combattre, mais était venu uniquement pour accomplir sa Umrah. Et lorsque Uthman radiallahu anhu a tardé à rentrer et à revenir, et lorsque les rumeurs ont commencé à se propager, à savoir qu'il a été tué, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons de lui faire le pacte d'allégeance et de combattre si nécessaire. Wahaoula, et tout ceci ont un mérite par rapport aux autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لهم فضائل عظيمة أولا السبق إلى الإسلام وثانيا الجهاد والهجرة وثالثا أن منهم من خصه النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص لم تكن لغيره. Et tout ceci, à savoir les 10 parmi les promis au paradis, Al-Muhajirun, Al-Ansar, Ashabu Badr, Ashabu Bay'at al-Ridwan, ont des mérites par rapport aux autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, car ce sont les premiers à s'être convertis à l'islam. Deuxièmement, car ils ont combattu et émigré pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, car parmi eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné des caractéristiques, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné des caractéristiques de certains d'entre eux qui ne sont présentes chez personne d'autre. أفضل الصحابة على الإطلاق الخلفاء الراشدون هذا ترتيب الخلفاء الراشدين في الخلافة وفي الفضيلة ويليه ترتيبهم في الخلافة. Et les meilleurs des compagnons, et ceci sans aucun doute, ce sont les califes bien guidés. Les califes bien guidés qui sont Abu Bakr, Umar, Uthman et Ali radiyallahu anhu. Et cet ordre est valable à la fois dans l'ordre dans lequel l'un succède à l'autre, mais également c'est un ordre dans leur mérite. À savoir qu'Abu Bakr est meilleur que Omar, et que Omar est meilleur que Uthman, et que Uthman est meilleur que Ali radiyallahu anhum. فأفضل الخلفاء الراشدين أبو بكر واسمه عبد الله بن عثمان وأبو بكر كنيته اشتهر بها وهو من أسبق السابقين إلى الإسلام ومواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم معروفة وهو الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وفي الغار، يعني اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته في الهجرة وكان معه في الغار، إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين وهو أبو بكر، إذ هما في الغار غار ثور في مكة، إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر: شهد الله له بالصحبة، لا تحزن، إن الله معنا. Et le meilleur des califes bien guidés est Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anh. Et son nom est Abdullah ibn Uthman. Abu Bakr étant sa kunya, une kunya par laquelle il est connu et par laquelle il est célèbre. Et il fait partie des premiers qui ont embrassé l'islam. Il fait partie des premiers, mais ce n'est pas le premier. Qui est le premier des hommes à avoir cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Waraqa ibn Nawfal, c'est lui le premier homme à avoir cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était un chrétien, et lorsque il a entendu, ou lorsqu'il était, il faisait partie de la famille de Khadija radiallahu anha, lorsqu'il a été informé de ce qui est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte de Hira, il a dit: si ton peuple va t'expulser, et si j'en ai la possibilité, je t'aiderai à surmonter cette épreuve. Mais il est mort peu après, radiyallahu ta'ala anhu. C'est donc le premier homme à avoir cru au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et la première femme est Khadija, radiyallahu ta'ala anha. Et le premier enfant à avoir cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ali ibn Abi Talib. Et les positions de Abu Bakr radiallahu anhu qu'il a eues avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont connues de tous. Et c'est lui qui a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son émigration de la Mecque vers Médine. Et c'est lui également qui était dans la grotte de Thawr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a choisi comme compagnon à la fois dans son émigration et à la fois dans cette grotte, comme l'a dit Allah Azza wa Jal: si vous ne lui donnez pas victoire, Allah Azza wa Jal lui a donné victoire lorsque les non-musulmans l'ont fait sortir, c'est-à-dire de la Mecque, et qu'ils étaient deux. Et le deuxième était Abu Bakr, lorsqu'ils étaient deux, et le second, comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, était Abu Bakr. Lorsqu'ils étaient dans la grotte de Thawr à la Mecque, il yaqulu li sahibi, lorsqu'il dit à son compagnon, c'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son compagnon Abu Bakr, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla a attesté que Abu Bakr était un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit à son compagnon: ne sois pas triste, Allah est avec nous. Ne sois pas triste, Allah est avec nous. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit cette parole à Abu Bakr lorsqu'il a dit: ô envoyé d'Allah, si l'un d'entre eux voyait à ses pieds, il nous verrait. Mais Allah azza wa jal a aveuglé ses polythéistes et a fait en sorte qu'il soit entré dans la grotte, mais qu'il n'ait pas vu dans celle-ci le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. وكذلك موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، ومدافعته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبذله لنفسه وماله في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي غزواته. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد عن الإسلام قال بقتال المرتدين حتى ثبت الله به الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضائله كثيرة رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه حبا شديدا ويثني عليه. Et également les positions d'Abu Bakr رضي الله عنه avec le prophète صلى الله عليه وسلم à la Mecque avant l'émigration sont connues de tous, et son soutien au prophète صلى الله عليه وسلم, également son sacrifice, le sacrifice de sa personne et de ses biens pour soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont connus également. Il était le compagnon du professeur Asselam dans ses voyages, il était le compagnon du professeur Asselam dans ses batailles. Et lorsque le professeur Asselam est mort, et que après la mort du professeur Asselam, certains ont apostasié et ont renié l'islam, il les a alors combattus, et grâce à lui, Allah Azzawajal a raffermi les pas de l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les mérites d'Abu Bakr sont donc extrêmement nombreux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Abu Bakr d'un grand amour, et il faisait souvent ses éloges. Il faisait souvent ses éloges, pour cela que lorsque Abu Bakr et Omar radiallahu anhu, il y a une intercation entre les deux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était informé de cela, son visage s'est rougi et a dit: laissez mon compagnon tranquille. Il était là quand j'avais besoin de lui, et je jure par Allah que personne ne m'a aidé ou je n'ai profité des biens et du soutien de personne comme je n'ai profité des biens et de l'argent d'Abu Bakr radiallahu ta'ala. Donc, à l'unanimité des musulmans, Abu Bakr radiallahu anhu est le meilleur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم الفاروق ثم الفاروق قال الشيخ الفوزان donc l'imam de Qudama رضي الله رحمه الله a dit puis الفاروق, c'est-à-dire celui qui sépare, celui qui discerne. الشيخ الفوزان dit le second, الثاني عمر الفاروق, عمر بن الخطاب بن عمرو بن نفيل العدوي رضي الله عنه وهو في المرتبة الثانية بعد أبي بكر. سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل, فكان المسلمون مستضعفين في مكة ويتهددهم الكفار, فلما أسلم عمر أعز الله به الإسلام واعتز به المسلمون لقوته وشجاعته وهيئته رضي الله تعالى عنه, وهو الخليفة الثاني بعد الخليفة الأول, وذلك بعهد أبي بكر إليه رضي الله تعالى عنه. Deuxièmement, عمر الفاروق. عمر ابن الخطاب ابن عمر ابن نفيل العدوي, c'est son nom complet qu'Allah عز وجل l'a agréé, et c'est le deuxième, il est dans le deuxième rang après Abu Bakr radiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé Al-Farouq, car Allah azza wa jal par Omar a séparé entre le vrai et le faux, et les musulmans étaient faibles à la Mecque et ils étaient sous la menace des non-musulmans. Mais lorsque Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu s'est converti à l'islam et qu'il a embrassé cette religion, Allah Azza wa Jal a, par son intermédiaire, renforcé l'islam. Et les musulmans sont devenus puissants grâce à sa force, grâce à son courage, grâce à l'image qu'il faisait ou qui émanait de lui, à cette crainte qu'avaient les gens de lui. Et c'est le second calife après le premier calife, qui est Abu Bakr radiallahu anhu, et ceci par la désignation d'Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. C'est Abu Bakr radiallahu anhu qui, avant sa mort, a désigné comme successeur Omar al-Khattab radiallahu ta'ala anhu. Et en islam, lorsque le gouverneur désigne un successeur, eh bien c'est ce successeur effectivement qui doit prendre sa place. ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. Puis l'auteur a dit رحمه الله, puis عثمان, celui qui est doté de deux lumières, puis علي, l'agréé, qu'Allah عز وجل soit agréé de tous. ثانيا ثم بعد عمر عثمان بن عفان ذو النورين الذي هاجر الهجرتين, هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة, وهو من أسبق السابقين إلى الإسلام, وهو سمي بذي النورين لأنه تزوج ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم, تزوج رقية بنت رسول الله ثم ماتت عنده, ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم ثم ماتت عنده ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت عندي ثالثة لزوجتك إياها وقد أنفق أمواله في سبيل الله وجهز جيش العسرة واختاره أهل الشورى الذين أفضى إليهم عمر باختيار الخليفة من بعده فاختاروا عثمان رضي الله عنه وذلك بإجماعهم هذا دليل على فضله. Puis après Omar رضي الله عنه عثمان ibn Affan, celui qui est doté de deux lumières, qui a émigré les deux émigrations. Il a émigré en Abyssinie, puis il a émigré vers Médine. Alors vous savez que la première émigration a eu lieu vers l'Abyssinie, parce que le professeur Asselam a ordonné à ses compagnons qui étaient persécutés de émigrer en Abyssinie, car là-bas il y a un peuple ou un roi qui n'offense pas les musulmans. Et Uthman ibn Affan radiallahu anhu fait partie des premiers compagnons également qui ont embrassé l'islam et qui se sont convertis à la religion d'Allah azawajal. Il a été appelé celui doté de deux lumières car il s'est marié aux deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était marié à Ruqayyah, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'elle est décédée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mariée à sa deuxième fille, Umm Kulthum. Puis lorsqu'elle est décédée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Si j'en avais une troisième, je t'aurais marié à elle. » Et il a dépensé l'ensemble de son argent dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Wa jahaza jaysh al-usra » Et il a équipé l'armée de l'Usra. L'armée de l'Usra, elle a été appelée ainsi lorsque les Romains ont entendu parler de la propagation de l'islam et que l'islam commençait à se propager un peu partout dans les pays arabes. Les Romains ont décidé de préparer une armée et d'aller à Tabouk pour combattre les musulmans et les empêcher de propager l'islam dans la région avoisinante. Et lorsque le professeur Asselam a entendu cela, il a lui aussi préparé son armée de 30 000 hommes, comme le disent certains savants. Et c'était une période difficile, à savoir que c'était une période dans laquelle il faisait extrêmement chaud, et également c'était une période dans laquelle les musulmans n'avaient pas beaucoup d'argent. Et l'armée était faible. C'est pour cela qu'elle a été appelée Jayshul Usra, à savoir l'armée difficile, ou l'armée en difficulté. Et le professeur Asselam a dit, qui peut aider cette armée, qu'Allah Azzawajal lui fasse miséricorde, ou qu'Allah Azzawajal lui pardonne. Et Uthman radiallahu anhu a donné l'ensemble de son argent, comme cela est rapporté dans plusieurs hadiths, dans les sunan, qui ont été authentifiés par les savants, et Uthman radiallahu anhu a donné l'équivalent de 1000 dinars, radiallahu ta'ala anhu, qui a permis à cette armée de s'équiper et de se préparer à combattre l'ennemi romain qui était connu pour avoir une armée gigantesque. Mais lorsque les Romains ont entendu que les musulmans s'étaient préparés, ils ont rebroussé chemin, et non pas, ils ne sont pas allés au bout de ce qu'ils avaient envisagé de faire. وَاخْتَارَهُ أَهْلُ الشُّورَى Et Uthman radiallahu anhu a été choisi par أَهْلُ الشُّورَى. Par أَهْلُ الشُّورَى, et on verra par la suite qui sont ces gens de أَهْلُ الشُّورَى qui ont partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir les gens du شُورَى du le cercle de consultation. Donc lorsque Omar radiallahu anhu allait presque mourir, il a confié à ce cercle de concertation la tâche de désigner son successeur. Et ils ont désigné Uthman radiallahu ta'ala anhu à l'unanimité, et ceci prouve son mérite. Wa min fadailihi al-azima tawhiduhu al-mushaf. لما فتحت الفتوح وانتشر الصحابة في الأمصار وكثر القراء وحدث بينهم اختلاف في القراءات وحد القراءة على حرف واحد وكتب المصحف العثماني المشهور ووزعه على الأمصار فدرأ الله به فتنة الخلاف في القرآن العظيم وهذا من حفظ الله لكتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ومن فضل هذا الخليفة الراشد الذي قام بهذا العمل الجليل وخلد ذكره في ذكر المصحف العثماني يعني المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه ووحد المسلمين عليه وأنهى الاختلاف في القراءات هذا من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقتل شهيدا مظلوما قد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فتحقق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وقتل مظلوما شهيدا رضي الله تعالى عنه. Et parmi les mérites de Uthman, parmi les plus grands de ses mérites, c'est que grâce à lui, eh bien, le Mus'haf a été unifié. Car lorsque les conquêtes se sont succédées, les conquêtes des musulmans, et que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont commencé à s'éparpiller dans les différents pays, et lorsque les gens ou parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui connaissaient le Coran commençaient à devenir de plus en plus nombreux, eh bien ils ont connu quelques divergences sur les lectures du Coran. Et Uthman radiallahu anhu a écrit le Mus'haf, qui est connu par le nom de Al-Mus'haf al-Uthmani, qu'il a écrit et distribué, et grâce à ce Mus'haf, Allah Azza wa Jal, c'est par ce biais que la discorde qui commençait à avoir entre les compagnons sur les lectures du Coran a disparu, et ceci fait partie de la préservation d'Allah Azza wa Jal, de son livre, comme il le dit subhanahu wa ta'ala, c'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui le protégerons. Donc parmi les mérites de Uthman radiallahu anhu, il y a le fait, comme je l'ai dit, d'avoir retranscrit le Coran dans un seul et même livre qu'il a distribué et qu'il a envoyé dans les différents pays. Et il a ce livre ou ce Mus'haf connu sous le nom de Al-Mus'haf Al-Uthmani, c'est-à-dire que c'est le Mus'haf qu'a écrit Uthman lui-même radiyallahu ta'ala anhu pour réunir les musulmans. Également parmi ses mérites, c'est qu'il a été tué, qu'il a été victime d'un assassinat et qu'il est mort martyr, radiyallahu ta'ala anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait informé de cela et lui avait promis le paradis et l'avait également informé d'un malheur qui allait le toucher. Et effectivement, ce que lui avait prédit le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est révélé juste et il est mort martyr, radiyallahu ta'ala anhu. ثم من بعد عثمان علي بن أبي طالب وهو الخليفة الرابع وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة وأبو الحسن والحسين سبطي النبي صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة وجهاده وشجاعته معروفة رضي الله تعالى عنه وعبادته وعلمه وزهده معروف هؤلاء الخلفاء الراشدون. Puis, après Uthman, radiallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, qui est le quatrième calife, et qui est le fils de l'oncle paternel du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est également le mari de sa fille Fatima, et c'est également le père de l'Hassan et de l'Hussein, qui sont les deux petits-enfants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont également, c'est-à-dire al-Hassan et al-Hussein, les maîtres des jeunes du paradis. Et le combat de Ali ainsi que sa ferveur ainsi que son courage sont connus, ainsi également que son adoration, sa science, son ascétisme sont connus de tous. Voici les quatre califes bien guidés. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى لما روى عبد الله بن عمر قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره رواه البخاري وأبو داود والترمذي. قال الشيخ الفوزان فهذا دليل على فضلهم وترتيبهم، هذا الترتيب في الفضل أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصرحون بهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم عليه ولا ينكره عليهم. Et l'imam de Qudama rahimahullah a dit, après avoir cité que le meilleur était Abu Bakr, puis Al-Farouq, Omar, puis Uthman, radiallahu an, puis Ali, il a dit rahimahullah, et ceci, comme et cela est rapporté selon Abdullah ibn Omar, qui dit, nous disions, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, nous disions du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de cette communauté, après son prophète et Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman. Et ceci est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il ne l'a pas contredit. Ceci est parvenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne l'a pas nié et qui ne l'a pas démenti. Et c'est un hadith authentique ou un hasar authentique apporté par Al-Bukhari et également apporté dans les Sunan. Et Cheikh Fawzan, Hafidhallah, dit, ceci est une preuve de leur mérite. Et ceci également est une preuve de l'ordre de l'ordre qu'ils ont dans leur mérite. Et que le meilleur est Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali. Et que les compagnons du prophète sallam disaient cela ouvertement au temps du prophète sallam. Et le prophète sallam a approuvé cela et ne l'a pas renié. ثم قال المؤلف رحمه الله وصحة الرواية عن علي أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت لسميت الثالث. قال الشيخ الفوزان وهذا علي شهد بأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر وسكت عن الثالث قيل المراد به عثمان وقيل المراد به علي. Et il est rapporté de façon authentique dans une version que Ali radiallahu anhu a dit le meilleur de cette communauté après son prophète est Abu Bakr puis Omar et si je voulais je vous donnerais le nom du troisième. Cheikh Fawzan hafidhahullah dit et voici Ali radiallahu anhu qui atteste que le meilleur de cette communauté est Abu Bakr, puis Omar, et il s'est tué sur le troisième. Certains savants ont dit que celui qui était voulu était Uthman, et d'autres ont dit que celui qui était voulu était Ali, radiyallahu ta'ala anhu. À Kulli Hal, cela est une réponse aux chiites qui nient et qui ne croient pas au calife d'Abu Bakr, de Omar et de Uthman, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. ثم قال المؤلف وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. قال الشيخ الفوزان وهذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على أفضل من أبي بكر. Et Abu Darda rapporte, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit l'auteur, qu'il a dit « Le soleil ne s'est levé ni s'est couché après les prophètes et envoyés sur une personne meilleure qu'Abu Bakr. » Et Cheikh Fawzan dit « Ceci est une attestation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le soleil ne s'est levé ni s'est couché après les prophètes sur une personne meilleure qu'Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Personnellement, je n'ai pas trouvé le tahrij de ce hadith, ou plus précisément l'authenticité de celui-ci. Si des personnes ont possibilité de le faire, je prendrai bien volontiers. Dans le livre que j'ai, akhrajahu binahwihi Abd ibn Humayd fi musnadih min hadith Abi Darda, qui serait rapporté dans le musnad de Ibn Humayd, mais je n'ai pas trouvé l'authenticité de ce hadith. Wallahu a'lam. ثم قال المؤلف وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et il est la créature d'Allah qui mérite le plus le commandement et le califat après le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. En parlant ici d'Abu Bakr. قال الشيخ الفوزان هذا ترتيبهم في الخلافة فأحق خلق الله بالخلافة أولا لأنه أفضل الصحابة على الإطلاق ثانيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقتره للصلاة بالمسلمين لما مرض عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فاختيار الرسول صلى الله عليه وسلم له للإمامة في الصلاة والوقوف في محرابه صلى الله عليه وسلم دليل على أنه الأحق بالخلافة وهذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى استخلافه من بعده ولهذا قال الصحابة لما أرادوا بيعته أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا فقدموه بالخلافة وهذا بإجماع المسلمين. الشيخ الفوزان حفظه الله دي et ceci est l'ordre dans la succession, celui qui méritait le plus de succéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam était Abu Bakr. Premièrement, car, comme on l'a vu, c'est le meilleur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a choisi pour présider la prière des musulmans. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé malade, il a dit « Ordonnez à Abu Bakr de prier et de présider la prière ». Et le choix du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'Abu Bakr pour présider la prière et de se positionner dans cette posture ou dans cette position qui était celle du professeur Hassellem est une preuve que c'était lui qui méritait le plus de lui succéder. Et c'était un signe du professeur Hassellem pour que les gens comprennent que c'est Abu Bakr que le professeur Hassellem a désigné comme successeur. Pour cela, que les compagnons, radiallahu anhum, lorsqu'ils ont voulu prêter acte d'allégeance ou le pacte d'allégeance à Abu Bakr, radiallahu anhu, ils lui ont dit « Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, t'as choisi pour nous, pour notre religion, comment ne pas te choisir pour notre vie d'ici-bas ?» Ils l'ont alors désigné comme calife, comme gouverneur des musulmans, et ceci à l'unanimité des musulmans. لفضله قال المؤلف لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثالثا وكانوا قال الشيخ الفوزان وكانوا موجودين في بما فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأفاضل الصحابة رضي الله عنهم ومع هذا نص صلى الله عليه وسلم على تقديم أبي بكر ولما رجع في ذلك أصر على أن يقدم أبو بكر في الصلاة. أيام القدامى دي. Donc c'est en parlant d'Abu Bakr, c'est la créature d'Allah qui méritait le plus la succession après le prophète صلى الله عليه وسلم. Et ceci de par ses mérites, de par le fait qu'il fasse partie des premiers musulmans et également du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ait demandé de présider la prière et de le préférer aux autres compagnons dans cette demande. Et Cheikh Fawzan dit, ils étaient tous présents, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Et beaucoup d'autres compagnons. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu que ce soit Abu Bakr qui préside la prière. Et lorsqu'une excuse lui a été apportée par Aïcha en disant « Envoyé d'Allah, mais Abu Bakr est une personne sensible. S'il préside la prière, les gens ne pourront pas entendre sa lecture à cause de ses pleurs. » Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté pour que ce soit Abu Bakr qui préside la prière. ثم قال المؤلف وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تقديمه ومبايعته إجماع الصحابة في يوم السقيفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على بيعته واستخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم بايعوه بالإجماع بما فيهم المهاجرون والأنصار المهم قدام دي également par l'unanimité des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'ils l'ont positionné dans lorsqu'ils l'ont avancé et désigné et également lorsqu'ils l'ont fait le pacte d'allégeance. Ceci également est une preuve du caractère légiféré et légitime de la succession d'Abu Bakr radiallahu anhu. Et Cheikh Fawzan dit l'unanimité des compagnons le jour de Saqifa, le jour qui a suivi la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les compagnons lui ont prêté allégeance, ils lui ont tous prêté allégeance, y compris Al-Muhajirun et Al-Ansar. وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَجْمَعَهُمْ عَلَى ضَلَالَهُ Et Al-Muqdama, rahimallah, a dit « Et Allah Azza wa Jalla ne les a pas réunis dans un égarement. » Donc il y a l'unanimité des compagnons sur la succession d'Abu Bakr, ou sur le fait que c'est Abu Bakr le successeur du prophète sallam, et Allah Azza wa Jalla ne peut réunir les musulmans dans un égarement. قال الشيخ الفوزان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة حصل اختلاف في البداية ثم تراجعوا فيما بينهم ثم انحسم الخلاف وأجمعوا على بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. Les musulmans ne peuvent être unanime sur un égarement, car le prophète sallam a dit ma communauté ne peut être unanime sur un égarement. Il y a eu au début quelques divergences, puis ils se sont concertés entre eux et ont éliminé toute divergence et ont été unanimes sur le fait de prêter allégeance à Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. ثم بعده عمر ثم بعد أبي بكر في الخلافة عمر وذلك بالعهد الذي عهد به أبو بكر فإنه لما حضرت أبا بكر الوفاة عهد إلى عمر بالخلافة وإذا عهد ولي الأمر من بعده إلى من يخلفه تعين ذلك كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله تعالى عنه لفضله المعروف وسابقته في الإسلام وقوته وصرامته وأنه لا يخشى في الله لومة لائم ولتقديم الصحابة له عملا بعهد أبي بكر رضي الله عنه. Puis après lui, c'est-à-dire après Abu Bakr, Omar رضي الله تعالى عنه. Donc ici l'auteur, après avoir cité les mérites des compagnons et ceux qui sont meilleurs que les autres, il cite l'ordre dans la succession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous le constaterez, l'ordre dans leur mérite est exactement le même que l'ordre dans leur succession au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, après Abu Bakr, eh bien, c'était Omar. Et ceci après que Abu Bakr radiallahu anhu l'ait désigné. Lorsqu'Abu Bakr s'apprêtait à mourir, il a désigné Omar radiallahu anhu comme successeur. Et lorsque le gouverneur désigne après lui une personne précise pour le succéder, alors c'est elle qui doit être choisie. Et Abu Bakr radiallahu anhu a désigné Omar en prenant compte ses mérites connus et en prenant compte également le fait qu'il fasse partie également des compagnons qui ont les premiers embrassé l'islam et en prenant compte de sa force et du fait que c'était un homme vaillant qui n'a pas peur des reproches et ولتقديم الصحابة له عملا بأبي بكر. Et également les compagnons du professeur sallam ont mis en application la demande d'Abu Bakr رضي الله تعالى عنه. ثم بعده عمر لفضله وعهد أبي بكر إليه ثم عثمان لتقديم أهل الشورة له. Puis après lui, c'est-à-dire après Abu Bakr, Omar, par ses mérites et parce qu'Abu Bakr l'a désigné, puis Uthman, car les gens ou le cercle de la concertation l'ont choisi. Rabi'an al-thalith min al-khulafa al-rashidin Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Wa dhalika li-ijma' ahli ash-shura alladhina 'ahida ilayhim Umar lamma hadaratuhu al-wafa' عهد بالأمر إلى أهل الشورى ليختاروا خليفة المسلمين وأهل الشورى ستة وهم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وهؤلاء أجمعوا على اختيار عثمان فبايعه المسلمون. Le troisième parmi les califes bien guidés était Uthman رضي الله تعالى عنه. Et ceci à l'unanimité du cercle de la concertation, qu'a sollicité Omar radiyallahu anhu lorsqu'il allait presque mourir. Il a chargé ce cercle de la concertation de désigner après lui le guide des musulmans. Et ce cercle de la concertation est constitué de 6 personnes qui sont Uthman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, Talha, Az-Zubayr, Sa'd ibn Abi Waqqas. Tous sont unanimes sur le choix de Uthman et ainsi les musulmans lui ont prêté acte d'allégeance. On lui ont fait le pacte d'allégeance. Et ces 6, Uthman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, Talha, Az-Zubayr et Sa'd ibn Abi Waqqas sont tous des Mubashirin bil Jannah. Ils font tous partie des personnes à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis de leur vivant. ثم قال المؤلف ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. Puis Ali رضي الله عنه, de par ses mérites et l'unanimité des gens de son époque pour le choisir. قال الشيخ الفوزان ولما قتل عثمان شهيدا مظلوما اجتمع المسلمون على بيعة علي رضي الله عنه لأنه أفضل الصحابة بعد الثلاثة الذين سبقوه وكان حقيقا وخليقا بالخلافة رضي الله عنه ولكن حصلت الفتن في وقته لحدوث الشقاق واندساس أصحاب الأهواء والأعداء في صفوف المسلمين فحصل في وقته من الحروب والشقاق الشيء الكثير لكن لا شك في خلافته وأنه خليفة المسلمين بعد أصحابه رضي الله تعالى عنهم. الشيخ فوزان حفظه الله dit: Et lorsque Uthman رضي الله عنه a été tué et lorsqu'il a été fait martyr, les musulmans se sont réunis et ont été unanimes sur le fait de prêter allégeance à Ali رضي الله عنه, car c'était le meilleur des compagnons après les 3 qui l'ont précédé. Et il était véridique, il était doté d'un comportement digne d'un gouverneur. Mais à son époque, il y a eu beaucoup de discordes et il y a eu beaucoup de divisions. Une division causée par l'intrusion des ennemis de l'islam au sein même des musulmans. Il y a eu à son époque de nombreuses guerres, de nombreuses discordes, mais il n'y a aucun doute sur son califat et sur le fait que c'était lui qui devait être le gouverneur des musulmans, et que c'est le gouverneur des musulmans après les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, c'est-à-dire après les 3 Abu Bakr, Omar et Uthman radiyallahu anhum. وما حصل في وقته لا يقدح في خلافته لأنه أمر خارج عن إرادته وحاول رضي الله عنه أن يقضي على هذه الفتن وجاهد وقاتل الخوارج وحاول رضي الله عنه وبذل وسعه لكن لم يتم الأمر على المطلوب، والذين قاتلوه من الصحابة لم ينازعوا في خلافته، فالذين قاتلوا في الجمل وفي صفين مع معاوية لم ينازعوا في أنه هو الخليفة، ولكنهم يريدون القصاص من قتلة عثمان، هذا الذي يريدون، ولم يقاتلوا عليا لأنهم لا يرون أنه الخليفة، وإنما يريدون القصاص من قتلة عثمان. Et tout ce qui a apparu à l'époque de la gouvernance de Ali radiallahu anh n'est pas une critique sur sa façon de gouverner, car toutes ces choses qui ont eu lieu en dehors de sa volonté. Il a essayé, radiallahu ta'ala anh, de mettre un terme à toutes ses tentations, à toutes ses discordes, et il a combattu et tué Al-Khawarij, et il a essayé, et il a fait tous ses efforts pour essayer d'arranger la situation, mais il n'a pas pu arriver à ce qu'il voulait. Et ceux qui l'ont combattu parmi les compagnons du professeur Asallam n'ont pas contredit le fait qu'il soit le gouverneur des musulmans. Et ceux qui l'ont combattu dans Al-Jamal et Al-Sifin, qui sont deux endroits où il y a eu des combats entre les compagnons, et ceux qui ont combattu à Al-Jamal et Al-Sifin aux côtés de Muawiyah n'ont pas contredit la gouvernance de Ali radiallahu anhu, mais il voulait uniquement appliquer la loi du talion sur les assassins de Uthman radiallahu anhu. Il ne voulait donc ni combattre Ali ni remettre en cause le fait qu'il est le gouverneur des musulmans, mais la seule chose qui les a motivés était d'appliquer la loi du talion sur les assassins de Uthman radiallahu ta'ala anhu. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.